Une histoire de la Saint-Sylvestre, quelque part en Bretagne. Mon histoire de la nouvelle année, elle raconte un acte héroïque, celui de Gwenaël du Phare. Elle dit qu'il peut exister des joies fortes que ne connaissent pas toujours ceux qui sont attablés, qui se goinfrent, mangent, mangent et remangent, et rient à gorge déployée. Car mon histoire ne se déroule pas lors d'un de ces festins de la nouvelle année, un de ces repas où les très nombreux convives, les invités, se passent plat sur plat, des plus doux aux plus raffinés. Non, elle se place dans un bout de terre mangé par la mer, où Gwenaël vivait tout seul, très loin du premier village, un phare pour guider les bateaux. Voici notre décor. À la nuit de la Saint-Sylvestre donc, Gwenaël, bien loin de la forêt, bien loin de tous les gens qu'il connaissait encore, rentrait un peu de bois pour chauffer la petite maisonnée, adossée au phare et dans laquelle il vivait. Avant que de rentrer, il surprit le coq en étant sur le toit, qui, en grinçant, venait de tourner le bec, pointant la terre et l'est. La girouette, le vent, venait de tourner. Mauvaise nouvelle. Le temps file à la tempête, se dit Gwenaël. Il se dépêcha de se mettre au sec dans la petite maisonnée. Il craqua une et deux et trois allumettes avant que le feu ne prenne. Puis, lorsque la flambée irradia la pièce, il s'affala dans le sofa. Il allongea ses jambes sur un repose-pied et commença à réchauffer ses pieds trempés, songeant à un bon repas qu'il ne ferait sans doute pas. Il commença de somnoler. Au dehors, des bourrasques de vent se levaient déjà. Et par instants, le vent semblait pousser à l'intérieur même de la pièce, par toutes les petites jointures des fenêtres. La tempête arrivait. La pluie et la grêle commencèrent à tambouriner contre les carreaux. Sur la table derrière lui, il n'y avait pour son repas que quelques harengs sorts et de la crème à l'échalote. Un bout de pain rancé. Alors, il songea au bon dîner d'autrefois, quand toute la famille se réunissait pour fêter le passage à la nouvelle année. Cette pensée le renfrogna. Je crois même qu'il en grogna. C'est, je crois, la corne du bateau qui le tira de sa rêverie. Que diable ! Le phare s'était éteint. Les récifs ! Un bateau était encore là au dehors, qu'il appelait à l'aide et qui se dirigeait sans le savoir vers la falaise. Il fallait à tout prix rallumer le phare. N'écoutant plus que l'urgence qui faisait battre son cœur plus vite et plus fort, Gwenaël renfila ses bottes mouillées et se dirigea vers la petite remise, le petit hangar à côté du phare. Il alla y chercher une lampe pour remplacer celle qui venait de s'éteindre. La pluie s'abattait forte comme jamais, et des relents de sel tourbillonnaient dans l'air devenu fou. Le vent claqua la porte derrière lui et les volets. Il courut vers le phare, la lampe sous le bras, mais une bourrasque le vent plus forte en dessous. Et tout vira au noir. Quelques instants plus tard, ou pour être précis, ce qui lui sembla être quelques instants plus tard, Gwenaël se retrouva devant une grande table bien dressée, avec des bougies. Il y avait des huîtres fines et claires, du rôti de veau, de la purée de panais gratinée, du consommé d'artichaut. Il y avait même, pour le dessert, du pudding à la vanille. Pour une fois, il faisait bon. Pour une fois, Le monde n'était ni humide, ni froid. Pour une fois même, tout le monde était là. Son père, sa mère, ses deux jeunes frères. Et surtout, surtout, la belle Dorothée de ses rêves. Des rires s'élevaient de partout. Il y avait aussi et surtout les yeux bleus de Dorothée. Tout était bien et beau, comme une partie de lui l'avait toujours rêvé. Cette même partie de lui qui trouvait justement la vie solitaire dans ce phare isolé, bien difficile et aride. Tandis que les conversations qu'il ne saisissait pas allaient bon train, que Dorothée, la belle Dorothée, le regardait d'un œil toujours plus attendri. Il lui vit une alliance à l'annulaire et le ventre rebondit. Le bonheur était là! Il le tenait enfin! Les 12 coups de la nouvelle année allaient pour sonner. Gwenaël laissa sa tête aller en arrière, dans un grand sourire d'extase. Il regarda vers le plafond. Aussitôt, il remarqua qu'au-dessus du festin, on avait suspendu, comme de juste, une magnifique branche de gui. Mais quelque chose clochait. Le gui, dont les fruits devaient être blancs et translucides, était ici noir comme la nuit, noir comme du charbon. Alors il comprit, froid de sueur, il comprit que tout ceci n'était qu'un rêve, une douce rêverie, un fantasme, et que rien n'était vrai. Le festin n'existait pas. Ses parents n'étaient pas avec lui. Il n'avait pas épousé la belle Dorothée. Quand il revint à lui, il comprit ce qui lui était réellement arrivé. Un volet s'était décroché à cause du vent et l'avait frappé en plein visage. Il s'en était évanoui et avait rêvé. Le monde n'en fut que plus froid. Pendant son court coma, la pluie l'avait trempé des pieds à la tête. Il tremblait, il grelottait, il avait mal, très mal, là où le volet l'avait frappé. Pourtant, il n'était pas temps de se plaindre, pas le temps de gémir, pas temps de pleurnicher. Il y avait toujours la mer déchaînée, et sur la mer, un équipage de marins dans la détresse, et qui se dirigeait vers les rochers. Vite ! Vers le phare ! Malheur ! La lampe s'était brisée dans sa chute. Il dut une nouvelle fois affronter le vent qui menaçait de le balayer et de l'emporter à la mer. Heureusement, son accident avait redoublé sa prudence. Et ainsi, il évita bien d'autres débris que le vent soufflait à tout va, comme des missiles foudroyants. Après s'être muni d'une nouvelle lampe, Gwenaël put enfin faire la longue, la très longue ascension des marches du phare. Le vent glaçait sa peau détrempée par la pluie et les embruns. La jointure de ses doigts semblait vouloir rompre sous le poids de la lampe, sous la corrosion du sel marin. Il soufflait. Il allait au plus vite qu'il pouvait. Son cœur s'emballait. Par instant, il entendait le son de la corne de détresse du navire qui perçait à travers les fracas du vent. Le son semblait plus fort, comme si le bateau s'approchait inexorablement des rochers qui allaient le fracasser. Il lui semblait même, mais il n'en était pas sûr, entendre aussi les cris de détresse de l'équipage. Que c'est long, quelle est difficile l'ascension. Cela paraît durer des heures interminables. L'escalier semble ne jamais finir. À chaque tournant, se rallonger. Mais enfin, il parvint en haut. Ses mains, malgré l'effort, ne laissèrent pas échapper la si précieuse lampe, la si salvatrice lumière. Gwenaël put replacer à temps la lampe dans son écrin et relancer à temps le mouvement tournant du phare. Il vit que du dehors, le bateau dont émanait une faible lumière aussi avait réussi à manœuvrer à temps et à s'échapper du ressac assassin. Il n'irait pas se perdre contre les rochers, et les marins qui étaient à bord pourraient rejoindre leur famille avant que la minuit ne sonne tout à fait. Gwenaël était à bout de son souffle et au bout de sa force. Mais il avait sauvé du naufrage tout un équipage de marins. Et c'est le devoir accompli qu'il rentra dans sa petite maisonnée. Il laissa les hares en sort et la crème pour le lendemain et s'allongea devant la petite flambée. Il ferma les yeux et s'abandonna au sommeil. Le sourire qui ornait son visage ne pouvait être ni plus grand, ni plus satisfait. Pour la nouvelle année, il n'y a pas de plus grande joie que de se retrouver en famille ou entre amis, de partager un bon repas, nos meilleurs souvenirs et des rires et de l'amour. Pourtant, il n'est pas interdit de penser aussi à ceux qui sont là quelque part au dehors, qui, comme Gwenaël, sont loin de leur famille, mais qui restent droits et forts dans la nuit de l'hiver, et qui œuvrent pour que le monde reste éclairé, et font en sorte que les bateaux retournent sains et saufs à bon port.